Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Un millier de personnes fuyant les combats en République démocratique du Congo sont arrivées ce samedi soir au centre de transit Kagwema, en commune Gihanga de la province Bubanza. Notre correspondante nous en parle dès le début de ce journal. Un mouvement de colère de la population s'est observé ce dimanche matin au chef-lieu de la province Karoussi. Des agriculteurs ont entrepris de se servir par force à l'entrepôt d'engrais FOMI quand la police a dû recourir à des tirs de sommation pour les en empêcher. Et la coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale de Rumonge plaide pour la revalorisation des salaires des enseignants. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les déplacés qui ont fui les combats en République démocratique du Congo sont arrivés au centre de transit Kagwema ce samedi soir. 1000 personnes exactement étaient déjà dénombrées ce samedi selon l'administration locale, qui précise que d'autres sont arrivés pendant la nuit de ce samedi à dimanche. Léopold Ndaïsaba, administrateur de Gihanga, explique que les services concernés sont à l'œuvre pour les identifier. Spécialitas Kavanyana. C'est ce samedi dans l'après-midi que les convois de ces personnes déplacées du Congo ont commencé à arriver au centre de transit de Kagwema à bord des véhicules de la police burundaise, comme nous l'avons constaté. Ce centre était normalement destiné aux rapatriés, selon les témoins sur place à Kagwema. Jusque soir, ce samedi, vers 18h, 1000 personnes composées d'enfants, de femmes et d'hommes étaient déjà enregistrées, selon l'administrateur de la commune Gihanga, Léopold Ndaïsaba. Fait également savoir que le service concerné était en train de dénombrer et identifier ces personnes selon leur nationalité, parce qu'il y a des Congolais, des Burundais, des Kenyans et autres qui vivaient dans différents centres du Congo selon l'administrateur de Gihanga. Comme nous l'avons constaté, beaucoup d'habitants de Kagwema étaient autour du centre de transit de Kagwema ce samedi soir pour voir les membres de leur famille, les uns leur amenant de l'eau, des vivres, des couvertures et autres. Merci Spes. Des coups de feu ont été entendus ce dimanche matin vers 9h au chef-lieu de la province Karoussi. Selon le commissaire provincial de la police, ils ont dû faire usage des tirs de sommation pour empêcher la population à se servir par force dans l'entrepôt provincial des fertilisants FOMI où ils sont stockés avant d'être redistribués dans les communes. Cette autorité policière qui était sur les lieux au moment des faits, en compagnie des autorités administratives et du directeur provincial en charge de l'agriculture, précise qu'un de ces manifestants a été arrêté, ajoutant que ces derniers avaient même barricadé la route avec des pierres. Ces agriculteurs, très impatients d'avoir l'engrais par ailleurs déjà payé, demandent aux autorités de leur fournir rapidement ces fertilisants pour qu'ils puissent procéder au semis. Ces autorités leur demandent d'attendre la distribution qui commence dans les différentes zones à partir de ce lundi. Un poste des agents de la police a été installé sur place pour sécuriser les lieux. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les ambassadrices du Burundi en sport, Niragira Angeciel et Haviarimana Ornella, qui ont représenté le Burundi aux Jeux Olympiques, appellent les filles burundaises à aimer le sport. Cet appel a été lancé ce samedi en commune Gasorwe de la province Muyinga. C'était lors du lancement du projet Tout en sport par l'ONG Play International. Dans cette optique, différents jeux ont été organisés et ont vu la participation massive féminine selon les organisateurs. Un projet salué par l'administration de Gasorwe qui compte l'accompagner pour sa réussite. Un reportage d'Evariste Nzikobanyana de retour de Muyinga. Les uns faisant la course de 4 km, les autres jouant au rugby et à l'ultimate, les visages féminins se faisaient voir parmi les compétiteurs. Ingrid De Camusoni, secrétaire exécutif de l'Association pour la promotion de la femme au Burundi, APFB, une des partenaires de Play International, dit avoir été satisfaite de la participation féminine à plus de 40%. Moi, j'ai été satisfaite de la participation des filles parce que la participation des filles a représenté plus de 45%. Je dirais que c'est bon par rapport à d'autres provinces que le projet intervient. Ici, à Gasogwe, je peux dire que la participation des filles vient en deuxième lieu après Bujumbura. Les filles de Gasogwe qui ont participé aux jeux organisés ce samedi dans cette commune ont salué cette initiative. Mongeringa Edith, qui a été première dans la course de 4 km, et parmi celles qui trouvaient salutaire cette mobilisation féminine. Les ambassadrices Ange Sira Judoka, qui a représenté le Burundi aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, et Noéla Boxeuse, qui a représenté le Burundi aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, qui avait effectué le déplacement à Gasogwe, appellent la fille burundaise à aimer le sport. Les parents de Muyinga, en commune Gasogwe, qui étaient venus assister aux différents jeux qui ont vu la participation féminine, ont trouvé que le sport n'est plus tabou pour les filles. Charles Ngazanyami, le médaille d'or au championnat d'Afrique de 1992, qui a organisé ce meeting de Gasogwe au nom de Play International, a expliqué que ces jeux avaient été également organisés dans l'optique de voir et de constater le rôle de la femme dans la consolidation de la paix. Le message, c'était juste de promouvoir la paix à travers le sport au sein des jeunes de la commune Gasogwe en province Muyinga, dans le cadre de donner aux filles l'opportunité, l'occasion de se mesurer avec les autres et aussi de briser cette culture qui disent que les filles ne peuvent pas participer au sport lié à la culture burundaise, et aussi de sensibiliser les parents pour laisser les jeunes filles devenir jouer aussi, d'essayer d'exploiter dans le sport. Au niveau de l'administration de la commune Gasogwe, l'on trouve que le projet Tout en sport, c'est une valeur ajoutée pour le développement de la fille, mais que des infrastructures pour certains jeux restent une préoccupation, selon Misago Sylvain, conseiller de l'administrateur de la commune Gasogwe, dont le social rentre dans ses attributions. Avec l'appui des partenaires, nous allons s'asseoir ensemble afin d'étudier les modalités pratiques pour que ces derniers puissent être construits. Le projet Tout en sport, lancé ce samedi à Muyinga par l'ONG Play International, sera exécuté dans deux communes de cette province, à savoir Gasogwe et Muyinga. Évariste Nzikobanyang. Le gouvernement burundais devrait adapter les salaires de ses fonctionnaires en général et des enseignants en particulier au coût actuel de la vie pour obtenir de bons rendements. La coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale de Rumonge a fait cette observation ce vendredi lors de la célébration de la journée mondiale des enseignants et des enseignantes en commune Rumonge. Au nom de cette coalition, Ildefonse Ndayizeye fait remarquer que les mauvaises conditions de vie des enseignants sont l'une des causes des mauvais rendements scolaires. Jean-Pierre Misago. Une famille d'un enseignant, comme les autres familles burundaises, fait actuellement face à une paupérisation poussée à outrance suite à la montée des prix des biens et services de première nécessité. Il est défoncé Ndayizeye, s'exprimant au nom de la coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale, COSESONA en sigle, évoque notamment les prix des denrées alimentaires doublés ou triplés, les prix du ticket de transport ayant grimpé dans cet ordre, la carte de la mutuelle de la fonction publique n'appuyant plus à sa juste valeur d'avant face à des salaires des fonctionnaires devenus insignifiants. Cependant, malgré ces conditions de vie difficiles, le gouvernement burundais exige des meilleurs rendements chez les enseignants et c'est logique d'un côté. De l'autre côté, l'enseignant exige un salaire proportionnel aux prestations rendues, ce qui est également logique selon ce responsable syndical. Le problème restera donc dans la conciliation des deux parties pour trouver une solution durable, une solution possible, sans même qu'il y ait tension entre l'employeur et l'employé. En effet, selon ce syndicaliste, le gouvernement fixe les salaires sur base du coût de la vie et c'est bien logique de revoir à la hausse les salaires si les prix montent sur le marché, comme c'est le cas actuellement au Burundi. Cela a été dit ce vendredi lors de la célébration en commune Lumonge de la journée mondiale des enseignantes et des enseignants sous le thème « Valoriser la voix de la profession enseignante ». Jean-Pierre Misago depuis Lumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Éducation toujours, la réduction du volume horaire des langues telles que le français et l'anglais et le fait que les mêmes disciplines ne font plus objet d'évaluation à l'examen d'État sont certaines des causes de la chute considérable du niveau des langues chez les apprenants. Analyse du directeur de l'éducation en commune Gatara et des enseignants des langues. Toutes ces parties souhaitent que les programmes d'enseignement des langues soient révisés par des autorités compétentes. Ils l'ont dit ce samedi à l'occasion de la finale de la compétition en poésie des élèves de la direction communale de l'éducation à Gatara. Patrick Sengiyumva. Sous le thème « Une jeunesse instruite et laborieuse, actrice incontournable dans Burundi développé », la compétition en poésie qui a débuté le mois de janvier dans toutes les communes scolaires de Kayanza, dans la direction communale de l'éducation de Gatara, la phase finale s'est passée ce samedi. Les élèves qui se sont classés premiers dans cette compétition nous ont fait savoir que d'autres activités leur sont d'une grande importance, surtout dans l'amélioration du rendement scolaire. Mais mes propos avec les enseignants des langues dans la direction communale de l'éducation de Gatara. Claude Nsabindavzi, enseignant du français et Kakala ainsi les enseignantes d'anglais font savoir que non seulement ces compétitions permettent aux élèves de développer l'esprit compétitif, mais aussi les élèves compétiteurs enrichissent le vocabulaire des disciplines qui font objet de la compétition. Même son de cloche pour Alexis Ndabarushimana, directeur communal de l'éducation à Gatara. Vous saurez que sur 8 élèves qui se sont classés premiers dans la compétition, 7 ont été du lycée Gatara et un autre du lycée technique Maranzia et on a décerné à ces candidats des prix tels qu'une enveloppe d'argent et du matériel scolaire. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganilo. Nous ouvrons maintenant la rubrique internationale de ce journal. Le candidat djiboutien Mahamoud Ali Youssouf vient d'être élu président de la Commission africaine de l'Union africaine à Addis Abeba. C'était ce samedi après-midi 15 février. Il l'a emporté au 7e tour avec 33 voix sur 49. L'actuel ministre des Affaires étrangères du président djiboutien succédera au tchadien Moussa Faki Mahamat, dont le second mandat à la tête de l'organisation s'achève le 15 mars prochain. La victoire djiboutienne n'a pas surpris les fins connaisseurs de l'Union africaine. Ces derniers jours, en coulisses, beaucoup de diplomates vantaient sa compétence, sa maîtrise des dossiers et sa connaissance de l'institution. Des qualités essentielles à l'heure où l'Union africaine traverse une crise de son leadership. Et au Sénégal, les représentants syndicaux veulent afficher leur unité, ont d'ailleurs créé une nouvelle plateforme, le Front syndical de la défense du travail. Lors d'une conférence de presse vendredi, les représentants des travailleurs se sont indignés de l'absence de dialogue avec les autorités, surtout de ne pas avoir vu la situation évoluer depuis l'arrivée au pouvoir du PASTEF en avril dernier. Ils dénoncent l'accumulation des problèmes rencontrés par les travailleurs, qu'ils évoluent dans le secteur privé ou dans le secteur public. Et parmi les plus graves, selon eux, l'explosion récente des licenciements qu'ils qualifient d'abusifs, comme dans le secteur pétrolier, au port de Dakar ou dans les administrations. Le coût de la vie ainsi que les retards de paiement, voire le non-paiement des salaires, font aussi partie de leurs préoccupations. Et face au ras-le-bol, les syndicats n'excluent pas une grève générale. Enfin, l'éboulement samedi 15 février dans cet orpaillage dans la région de Kaï, à l'extrême ouest du Mali, a causé la mort d'au moins 48 personnes selon un bilan provisoire. Le site était surchargé de monde et certains faisaient de l'orpaillage clandestin selon le syndicat des mines. Les recherches se poursuivaient samedi après-midi pour sauver d'éventuels survivants du drame. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La bouillie cuite à partir de la farine mixte thérapeutique des graines germées prévient les maladies cardiovasculaires, les cancers et celles liées à l'âge. En effet, cette bouillie contient la vitamine E et les vitamines B9 importantes dans l'organisme, respectivement pour la prévention des maladies cardiovasculaires et nécessaires pour les femmes enceintes. Jean-Paul Ouinez, chercheur nutritionniste, explique que la bouillie fabriquée à partir de cette farine aide les personnes ayant des problèmes de nerfs et la constipation. Cette chronique nutrition sur la farine mixte thérapeutique des graines germées est signé Jean-Marie Mayonga. La bouillie fabriquée à partir de la farine des graines germées est nécessaire pour notre organisme à cause des vitamines et sels minéraux qui se trouvent dans cette farine. Jean-Paul Wineza, chercheur nutritionniste, commence à nous parler de sa composition. Farine mixte thérapeutique des graines germées. Ce produit est composé par les sésames germains qui sont bien préparés et aussi qui sont séchés à l'abri de la lumière. Cette farine ou bien ce produit est composé par les blés germains. Les blés germains aussi sont séchés à l'abri de la lumière. Cette farine est composée par les résines germaines qu'on appelle en Kirundi ou bourreau. Et aussi, cette farine est composée par d'autres céréales, de lait céréal qu'on appelle graines de lait. Aussi, ces graines, ce sont des graines vraiment qui font beaucoup de choses vraiment très miraculeuses. Par exemple, pour les cas de diabète, pour les cas de personnes qui ont des céphalées, les migraines, problèmes de nerfs comme ça. Ce chercheur nutritionniste signale que cette bouillie est très efficace pour les personnes maladives. Cette bouillie est très indiqué pour les personnes maladives parce que les graines germées, une fois germées les graines, les vitamines vont se multiplier. On peut même trouver la vitamine C. Les vitamines E vont se multiplier en abondance. À ce point-là, ou bien dans ce cas-là, ces vitamines qu'on appelle vitamine E, vitamine C et autres vitamines vont jouer un rôle d'antioxydant et aussi vont stimuler le système immunitaire pour quand même neutraliser beaucoup de maladies. Et vous voyez que les personnes maladives vont trouver la bonne solution en utilisant la bouillie qu'on appelle farine mixte thérapeutique des graines germaines. Jean-Paul Wineza précise également que cette bouillie est bénéfique pour les personnes qui ont des problèmes des veines et des artères. Aussi, à cause des vitamines comme la vitamine B9, bénéfique aux femmes enceintes, est impliquée dans la croissance et renouvellement cellulaire. En cas d'artériosclérose, c'est-à-dire durcissement des artères ou bien durcissement des veines, vous verrez des personnes qui ont des artères qui sont déjà devenues comme des troncs, comme des arbres comme ça. Là, il faut faire recours à cette bouillie-là parce que ça va neutraliser ce problème, c'est-à-dire en réduisant le durcissement de ces artères. C'est-à-dire pour rendre les veines ou bien les artères très souples, en fait de pouvoir permettre les artères ou bien les veines de pouvoir faire mieux circuler le sang normalement. Dans la prochaine chronique nutrition, on vous parlera d'autres biens de cette bouillie fabriquée à partir de la farine thérapeutique de graines germées pour notre santé. Un rapide rappel des titres avant de nous séparer. Un millier de personnes fuyant les combats en République démocratique du Congo sont arrivées ce samedi soir au centre de transit Kagwema, en commune Guianga de la province Bubanza. Un mouvement de colère de la population s'est observé ce dimanche matin au chef-lieu de la province Karoussi. Des agriculteurs ont entrepris de se servir par force à l'entrepôt d'engrais FOMI quand la police a dû recourir à des tirs de sommation pour les en empêcher. Et la coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale de Rumonge plaide pour la revalorisation des salaires des enseignants, une des stratégies pour elle de booster les rendements scolaires. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.